L'asmala. Rizla. On me dit que je suis inutile parce que j'écoute du son, que je fume du shit. Mon style déchire. Avant de crever poteau, faut que je fasse du chiffre. 19 bougies. Tellement j'écris et bah ma plume rougit. Pas responsable, je réfléchis toujours avant de l'ouvrir. Je me sens seul, mais tout ça, ça se passe dans mon cerveau car tout est gris. Et j'espère que plus tard il va faire bon. On se donne à fond. J'arrive à rien et puis je trouve ça dommage. Je suis le pharaon et je veux pas que Bruxelles soit mon sarcophage. Les grands nous aiment pas, c'est pas pour ça qu'on quitte. Au fil de temps, j'apprends à ramasser les kicks. Je résisterai jusqu'à en cracher mes tripes. Ah, vie aux fils de pute qui veulent clasher l'équipe. C'est pour mes non-sportifs qui baissent trop de flics, qui tapent des délits de fuite à la Need for Speed. Entre toi et moi, dis-moi, c'est qui la proie? Petit flap, série la croix, qui vient taper des rimes à trois. On fait ça, ça sert à rien, mais rien à foutre, connard. On fait ça bien, on restera les mêmes jusqu'à la fin. Même si ça craint et si ça vient, alors on se contentera de ce qu'on aura. Plus honorable, on fait du rap parce qu'on n'est pas sociable. Ça sert à rien, mais rien à foutre, connard. On fait ça bien, on restera les mêmes jusqu'à la fin. Même si ça craint et si ça vient, alors on se contentera de ce qu'on aura. Plus honorable, on fait du rap parce qu'on n'est pas sociable. Comme Michel Basson, je me dis souvent, putain, qu'est-ce que je fous ici. Y'a quand je roule à Beaujoin que les gens me félicitent. J'ai eu du rap me dire qu'en fait, je suis qu'un petit parmi tant d'autres. Dans ma vie, je suis resté statique à croire qu'on m'a coupé les tendons. J'ai plus de mémoire et j'ai pas envie de rester dans la tienne. Je sais que pour toi, ce que je dis, c'est mort, mais tu peux pas comprendre ce que j'ai dans ma tête, ni où mes conclusions aboutissent, ni pourquoi je me bousille. On a chacun des problèmes à différentes échelles. Moi, je suis celui qui enchaîne les échecs. La buffet de moins en moins des faits, je vois moins en moins les frères, la vie. J'ai pas la prétention de la définir. Je pars en déficit, je reste fier de mes belgicismes. C'est la millésime, dans ma tête, c'est la dérive. Même pire, c'est l'amnésie. Je les laisse rêver d'Amérique pendant que moi, j'arrive. On fait ça, sert à rien, mais rien à foutre, connard. On fait ça bien, on restera les mêmes jusqu'à la fin, même si ça craint et si ça vient. Alors on se contentera de ce que l'on aura, peu honorable. On fait du rap parce qu'on n'est pas sociable, ça sert à rien. Mais rien à foutre, connard, on fait ça bien, on restera les mêmes jusqu'à la fin, même si ça craint et si ça vient. Alors on se contentera de ce que l'on aura, peu honorable. On fait du rap parce qu'on n'est pas sociable. Tu comprends rien, c'est que t'as fumé trop de chichon. Dans le rap, j'suis comme une bite entre deux nichons. J'me mets bueno, reste mignon. Des haineux comme toi, y en a des millions. Je vois pas les choses en grand, vu que PXL c'est trop petit. J'aurais un autre quotidien si je vivais sous les tropiques. Si tout le monde tire la gueule, c'est pas la taxe. RACPD font les shows en me disant putain ta quelle. On fait ça sert à rien, mais rien à foutre, connard. On fait ça bien, on restera les mêmes jusqu'à la fin. Même si ça craint et si ça vient, alors on se contentera de ce qu'on aura. Peu honorable, on fait du rap parce qu'on n'est pas sociable. Ça sert à rien, mais rien à foutre, connard. On fait ça bien, on restera les mêmes jusqu'à la fin. Même si ça craint et si ça vient, alors on se contentera de ce que l'on on aura peu honorable, on fait du rap parce qu'on n'est pas sociable. Déclare l'incendie. Bouge, laisse-moi. Kiff mon